Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers? Oh, c'est super cool! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à tous et à toutes. Ici Fanny et Célène pour un épisode spécial de Ludologie. C'est la fin de l'année. Les journées sont courtes et les nuits d'hiver sont froides. Avec l'équipe de Ludologie, on a voulu vous proposer un épisode spécial. Un épisode tout doux comme un grand chocolat chaud près d'une cheminée. On a voulu vous faire un épisode un peu particulier pour vous remercier. Vous tous qui nous écoutez, car c'est vous qui faites vivre ce podcast et qui donnez un sens à ce qu'on fait. Dans les derniers épisodes, on vous a demandé pourquoi vous jouez. Et vous nous avez répondu des choses super. Attrapez votre plaid et nichez-vous dans un fauteuil avec votre mug préféré. Et à présent, à vous le micro. Coucou Ludologie, ici Felondra du blog Une Pincée de Fel. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le beau podcast qu'est Ludologie. J'espère que vous vivrez encore très très longtemps et que vous ferez des choses merveilleuses. Et le cap que vous semblez avoir pris cette année m'a l'air génial. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Merci pour ce bel épisode de Noël. Merci de nous donner la possibilité de prendre la parole. Quant à moi, je vais la faire courte. Pourquoi je joue, ça se résume en 4 phrases. Pour m'évader ou pour sympathiser, pour me questionner ou par curiosité, pour me lancer à toi de me rattraper, jouer, jouer, jouer, il n'y a que ça de vrai. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de très bons podcasts encore à vous, et à très bientôt, bisous. Salut à tous et toutes, je me présente Margot, bretonne à Montréal depuis un moment déjà. Je fais partie des Amazones, qui est un podcast 100% geek et féminin. Et je suis aussi conceptrice de jeux dans la vraie vie. Vous pouvez en conclure que je tripe quand même un peu sur le jeu vidéo, mais pas que, je pratique aussi beaucoup le jeu de société et le jeu de rôle aussi. Et si je devais essayer d'analyser les raisons qui me poussent à jouer et surtout à continuer de jouer, pour moi c'est avant tout un moment d'évasion, un moment de fuite par l'immersion. C'est un monde avec ses propres règles hors de la réalité, et c'est un peu comme une sorte de safe place pour moi. On parle aussi de cercle magique en fait en game design, mais c'est un peu cette idée-là finalement d'un monde particulier. Et je voulais vous parler d'une anecdote par rapport à ça. Donc à Montréal, il y avait une conférence qui s'appelle le Game Loop, qui est vraiment une conférence assez libre avec beaucoup de gens de l'industrie et des chercheurs qui venaient en fait. Et il y avait une discussion qui était autour des jeux qui vous font du bien. Donc moi je pensais qu'on allait quand même vraiment parler de jeux sérieux, jeux thérapeutiques, des jeux dans les hôpitaux par exemple pour les enfants malades. Mais pas du tout, on a commencé à parler un peu des jeux qui nous font du bien dans notre quotidien, des jeux un peu refuge. C'était des jeux totalement normaux, par les gens de Diablo, des Sims, vraiment des... Et on était tous finalement en train de se regarder et s'écouter, et on comprenait qu'on avait tous besoin un peu de ces moments de jeu pour maintenir un peu notre santé mentale, c'était nos moments de coping mechanism un peu. Où vraiment on avait besoin de ces moments de jeu pour continuer et maintenir la santé mentale. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on met pas tellement en avant quand on parle de pratique de jeu, mais on a toujours une image plutôt de l'addiction du jeu vidéo, etc. Et je trouve que c'était vraiment un beau message à faire passer, que c'est aussi le jeu vidéo et toute forme de jeu peut aider en fait à maintenir un peu son équilibre mental en fait par cette recherche d'évasion par l'immersion. Merci pour votre écoute. L'enregistrement de Nicolas maintenant. Pourquoi je joue? Quand j'ai commencé à vouloir y répondre, je me suis rendu compte que finalement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Le jeu, c'est aussi simple que ça. Ça m'est presque naturel, en fait. Mais pourquoi? Là, ça a commencé à devenir intéressant. Mes parents jouaient très peu, c'est pareil pour ma famille ou mes amis pendant mon enfance. En fait, on était plutôt aux jeux vidéo chez moi. première fois où j'ai vraiment commencé à jouer, ça remonte il y a à peu près 3 ans. Ça a commencé chez un ami, une partie de Catan improvisée une après-midi. Puis après, on a fait une deuxième partie, puis une troisième, puis une autre. Et ça a continué, et une semaine, et celle d'après, et encore une autre, et encore une autre. Et finalement, en fait, c'est presque devenu une habitude. Mais comment ça se fait qu'en une après-midi, le jeu soit devenu une évidence? Et justement, en me posant cette question, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, au cours de cet après-midi, il y a un changement qui s'est opéré. En fait, tout ce qui m'amusait, ce que j'aimais faire, en fait, c'était cristallisé dans le jeu, dans le fait de jouer. Je passais un bon moment avec des gens qui comptent pour moi. Je pouvais exprimer ma créativité, je pouvais penser à des stratégies. Et en fait, je pense que je joue parce que le jeu est un bon contexte pour passer un bon moment avec de bonnes personnes. Mais c'est surtout plus que ça. Pour moi, le jeu, c'est pas juste un lien, un cadre pour passer des bons moments. Il est ce qui crée des bons moments. Autour d'une table, autour d'un jeu, les personnes sont plus franches, plus simples dans leurs émotions. Justement, parce qu'elles sont là pour un objectif, jouer, et aussi, si possible, gagner. Dans une discussion, le seul but, c'est d'interagir. Donc on se concentre bien plus sur l'image qu'on envoie, on se maîtrise, on se censure. Dans le jeu, en fait, on n'en a pas grand-chose à faire de ce qu'on envoie. On est là pour jouer, on est là pour avoir des objectifs en particulier dans le jeu, pour essayer d'y répondre, pour jouer, tout simplement. Et ce qui fait que les interactions sociales qu'on a au sein du jeu, finalement, sont bien plus innocentes, bien plus franches, parce que justement, on n'est pas là pour... On n'est pas là justement pour faire cette espèce de jeu de manipulation sociale, en quelque sorte. Le terme est un peu fort, et je sais qu'on ne le fait pas à mal, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans le jeu, en fait, c'est pouvoir profiter des gens que j'apprécie avec une sincérité bien plus grande. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, particulièrement, tout ce qui est jeu de bluff, les jeux avec un rôle secret, les jeux avec de la négociation, parce que c'est justement, pour moi, dans ces moments-là en particulier, qu'on se rend compte, en fait, que même si on est là pour jouer, il y a de l'interaction sociale qui est forte, quand même. Et je trouve que ça développe un aspect que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement amusant à développer. C'est que finalement, on va maîtriser, on va censurer sa parole, comme dans une conversation classique, mais pas du tout avec les mêmes objectifs, parce que là, on va avoir des objectifs de jeu qui vont être en tête. Je pense par exemple, une partie de Time Bomb ou de jeu de ce type, ou une partie de Nosferatu, on va avoir tendance à, par exemple, mentir sur son rôle, tenter de faire des espèces de pactes, des espèces de marchés avec les autres. Bon, la grande base de ce jeu, c'est le loup-garou. Je suppose que à peu près tout le monde y a joué, et c'est justement l'esprit. On va chercher à tromper les autres, à donner une image de ce qu'on est, qu'on n'est pas réellement. Mais ce que je trouve très fort, et ce que j'adore particulièrement, c'est que l'image qu'on va envoyer, on la fait uniquement dans le contexte du jeu. Et finalement, pourquoi je joue? C'est parce que... c'est comme ça que je peux apprécier ces moments. Je joue parce que c'est comme ça que je peux le plus apprécier les gens qui comptent. Je joue pour le plaisir d'un moment amusant, pour la satisfaction de la victoire, pour la frustration d'une défaite, pour le défi, la rivalité, mais aussi la complicité, la coopération. En fait, je joue pour un moment purement inutile, en fait. Ça n'a pas de conséquence une fois la boîte de jeu rangée. Et je joue pour cette parenthèse dans ma vie, en fait. Cet instant de pause où rien d'autre que la partie ne compte. Pourquoi je joue? Je joue pour être honnête. Et je trouve que le jeu est une belle manière de l'être. Bonjour à tous, c'est Aline FQPEH et je suis ravie d'être là avec vous. Alors, pourquoi je joue? Il y a plusieurs réponses à cela. Étant enfant, c'était surtout pour la découverte avec mes premiers jeux sur PC, du genre les Jeux Olympiques en noir et blanc, vous savez, avec les deux touches qu'on bourrinait pour pouvoir avancer très vite au niveau du patinage artistique ou du ski de fond. C'était pas forcément génial, en noir et blanc, très pixelisé, avec une musique très limitée. Mais c'était l'amusement, plutôt le côté joué, comme les Game & Watch. Je me souviens particulièrement de celui de Donkey Kong. Où voilà, c'était le côté interactif, joué, et il y avait vraiment ce côté amusement. Et puis très vite est arrivée la Mega Drive en 92. Elle était chez mes parents, parce que mon frère l'avait acheté, et j'avais 12 ans. Et j'ai joué à Sonic. Ça a été une découverte vraiment, vraiment géniale. Je me suis donné à fond, et là, c'était plutôt, comment dire, la compatibilité qui me motivait. J'ai fait le jeu à fond, dans tous les sens, la découverte. J'allais partout dans les menus, dans découvrir les sons. J'ai vraiment, vraiment, vraiment joué énormément à ce jeu. Évidemment, quand mon frère n'était pas là, parce que je n'avais pas vraiment le droit de toucher à sa console. Mais voilà, c'était devenu autre chose que juste un jouet. C'était devenu vraiment un jeu, avec toute la difficulté qui allait avec, et tout l'amusement aussi, puisque j'y jouais parfois avec une amie. Et là, c'était vraiment le côté challenge ensemble, où on s'encourageait l'une l'autre pour pouvoir finir le jeu, puisque évidemment, il n'y avait pas de sauvegarde, donc on devait tout faire d'un seul coup. Et puis est arrivée à l'adolescence la première PlayStation. C'était, moi, je m'en rappelle, en Noël 95. J'étais avec mon copain de l'époque et ses parents lui ont offert la console pour Noël. Et là, c'est devenu tout de suite autre chose. C'est-à-dire, c'est devenu plus sérieux, entre guillemets. En tout cas, il y avait une réelle découverte au niveau graphisme, etc. C'était vraiment pour moi comme plutôt du film interactif. J'avais cette impression d'être l'héroïne ou le héros des jeux auxquels je jouais. Ça devenait quelque chose d'incroyable, en fait. C'était comme devenir moi-même l'héroïne et de jouer, de parcourir toutes ces aventures, en fait. Et puis aussi de m'extraire de la réalité. J'avais cette envie de voyager, cette envie d'être au-delà du monde qui était beaucoup moins drôle quand on est adolescent. On découvre évidemment toutes les horreurs de la vie. Donc voilà, c'était vraiment une façon de m'évader et puis de vivre des aventures qui m'étaient impossibles de vivre dans la vraie vie. Des choses plutôt d'horreur, j'avoue, puisque j'aimais beaucoup Resident Evil ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre, D, qui était livré avec la console, donc je me souviens très bien. C'était vraiment un jeu type point and click, mais sans la souris, quoi. Et voilà, on se faisait de bonnes frayeurs le soir, on jouait d'ailleurs même toute la nuit. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de différent. Il y avait, j'aimais bien le surréalisme. Dont on était nous-mêmes acteurs. Enfin, c'était vraiment génial. J'adorais me faire peur. Je jouais pour me faire peur, vraiment, pour vivre aussi donc, d'autres aventures avec Tomb Raider. Et puis, il y a eu l'extraordinaire Final Fantasy VII que j'avais eu en version japonaise parce que, évidemment, on avait mis une puce sur notre console pour pouvoir jouer aux jeux avant qu'ils arrivent en France ou tout simplement pour avoir des jeux copiés, pour éviter de les acheter parce qu'on n'était pas très fortunés. Hein. Donc voilà, j'avoue avec honte ou pas, qu'on avait Final Fantasy VII avant tout le monde, mais en japonais. Donc, je ne comprenais pas tout. Mais c'était quand même une aventure extraordinaire. Puis après, il y a eu des tas de sensations. Je jouais vraiment pour découvrir après plus de sensations différentes avec Wipeout, par exemple. Il y a un jeu de course qui est vraiment génial avec une sensation de glisse. Je me rappelle, les premières fois que j'ai joué à ce jeu, je me penchais complètement sur le côté quand le véhicule allait sur le côté, etc. Enfin, c'était... assez extraordinaire, puis il y avait des super musiques, des trucs qu'on écoutait à l'époque comme Prodigy, ce genre de choses. Donc c'était vraiment une super découverte. La PS1 était vraiment super, je trouve, à l'époque, c'était génial, quoi. Et puis, en plus, je jouais pas toute seule, en fait, et j'aimais bien jouer à deux, même pour des jeux solo, pareil que Sonic à l'époque. Et c'est quelque chose qui m'est resté après longtemps. Donc il y a aussi cette envie de jouer pour partager l'expérience, pour partager ce moment avec l'autre. Puis, il y a eu l'âge adulte, où il y a eu vraiment cette continuité de trouver du plaisir dans des nouvelles expériences de jeu, en fait. Et là, il y a vraiment des choses plutôt récentes que je vais citer, comme The Stanley Parable, ou Antichamber, ou Fez, ou The Witness. Effectivement, je me suis portée de plus en plus sur des jeux plutôt à énigmes, parce que c'est dans ma nature, j'aime bien résoudre des problèmes, j'aime bien en fait découvrir de nouvelles façons de penser aussi, pas seulement de nouvelles expériences. Mais vraiment, j'aime les jeux qui me chamboulent un peu, justement, comme je vais rechercher des sensations fortes au cinéma, pas forcément avec des blockbusters, avec des actions dans tous les sens, mais plutôt avec quelque chose qui va me toucher, qui va me marquer... je sais pas, quelque chose en moi d'émotif, en fait. Par exemple, dans Stanley Parable, j'ai chialé à un moment donné parce que, attention, spoil, voilà, vous avez le temps de faire une pause. Parce que donc, quand il y a la voix off qui, en fait, avec qui on se lie au fur et à mesure, presque d'amitié, en fait, qui d'un coup est réinitialisée à un moment donné, j'avais l'impression vraiment d'avoir perdu presque un ami. Et c'était assez perturbant. Je me suis retrouvée à pleurer sans savoir vraiment pourquoi. Et il y a plein de choses, en plus ça interroge vraiment le jeu, ce jeu-là, donc c'est vraiment voilà, quelque chose de différent. Antichamber, c'est pareil, c'est une expérience presque artistique, enfin, c'est plein de sensations, et voilà, c'est ce que j'aime en fait, j'aime vraiment découvrir de nouvelles expériences. Et c'est surtout pour ça que je joue aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez formidable avec le jeu vidéo, et notamment en fait en lien avec le jeu de rôle, c'est de vivre de nouvelles expériences sans se risquer réellement soi-même, c'est-à-dire vraiment de tester, d'être différent, de tester des façons de faire. Par exemple, dans Fable 1, on peut tester d'être méchant ou pas, et j'avais envie de voir quelle personnalité je pouvais avoir si je jouais différemment ou si je me mettais dans des situations différentes. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est génial, et c'est une des raisons pour lesquelles je joue aux jeux vidéo. Et puis enfin, les jeux de combat sont arrivés dans ma vie. Enfin, c'était déjà le cas en 97 avec Tekken 3. Depuis quelques années, avec mon compagnon actuel, on joue pas mal à Street Fighter. Et c'est encore une autre façon d'appréhender le jeu vidéo, où il y a beaucoup de réflexion, de ce qu'on appelle le mind game, d'essayer de savoir ce que l'autre va faire, de contrôler l'espace, de bien se déplacer, d'essayer d'amener l'autre à faire des erreurs ou à faire tel ou tel mouvement pour le contrer, etc. Et au même titre que des jeux de stratégie ou des jeux d'énigmes comme The Witness, Braid, etc., c'est un peu sous la forme d'un jeu d'échecs. Il va y avoir cette réflexion. Et je trouve ça génial de pouvoir aussi se confronter à l'autre, puisque là, effectivement, on ne joue pas tout seul, on va jouer contre l'autre, mais c'est aussi jouer contre soi-même et de se dépasser. Et je trouve que c'est encore une autre raison pour laquelle je joue aujourd'hui, c'est cette possibilité d'avancer vraiment dans sa combativité. Et puis, il y a aussi le côté manip, donc tout ce qui va être exécution au niveau des touches. Et là, ça devient vraiment quelque chose de sportif. Soit j'avais déjà joué à des jeux sportifs réellement, comme avec la Wii Fit ou des choses comme ça qui sont des simulations. Mais là, aujourd'hui, c'est encore une autre façon de se dépasser aussi physiquement, d'essayer d'exécuter parfaitement des quarts de cercle, des dragons, etc. Et voilà, ça c'est encore une autre facette de ce que j'aime dans le jeu vidéo. Et voilà, donc je suis vraiment très heureuse de tout ça. Et puis je suis aussi très heureuse de participer à cette émission de Ludologie, parce que je vous aime beaucoup. Et je voulais aussi souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Et vraiment, j'espère que ça donne envie de jouer et qu'on va tous continuer à prendre ce plaisir et à se demander parfois pourquoi on joue. Bonsoir, je m'appelle Thibaut. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi je joue. Je joue surtout donc à des jeux de plateau, des jeux de société type Robinson Crusoe, Rise to Nobility, ce genre de choses. Je joue uniquement en mode solo et je joue pour oublier. Je joue pour oublier parce que, alors oui, ça va pas être gay du tout, hein. Donc je préfère quand même le signaler. Je joue pour oublier parce que je suis en pension invalidité de catégorie 2. C'est-à-dire en 100% invalide, donc je peux pas travailler, je peux rien faire pour phobie, TOC et dépression profonde. On n'a pas de scène dépression mélancolique. C'est un joli mot pour une maladie horrible. Ça ferait un joli titre de livre dont vous êtes le héros. Et je joue pour ça. Je joue pour oublier ça. Je joue pour avoir un contact avec l'extérieur quand même, réussir à pouvoir échanger, discuter sur des groupes de discussion ou à travers des podcasts, des choses que j'aime. Je joue pour stimuler mon imagination, imaginer un monde où là où il y a moins de choses horribles ou au contraire des choses plus horribles, et imaginer que voilà, il y a autre chose que ce que je vis là. Et c'est hyper agréable et important de jouer et de vivre ça. Voilà, et ben je voulais vous remercier aussi de ce que vous faites comme podcast, c'est absolument fabuleux. Ça me fait toujours passer des bons moments. Et voilà, donc je voulais vous remercier de ça. Désolé d'avoir plombé un peu l'atmosphère des fêtes de fin d'année. Mais voilà pourquoi moi je joue. Et j'espère qu'il y a plein d'autres réponses avec des raisons beaucoup plus joyeuses et gaies. Et puis, bonne fête quand même de fin d'année à tout le monde. Et bon jeu à toutes et à tous. Et que 2019 nous réserve des fabuleuses sorties. Et ou des fabuleuses nous ressorties surtout. Allez, ciao. Et voici l'enregistrement de Queen Apple. Ok, alors j'enregistre ce fichier en direct de la GG Expo à Jussieu. Je me suis dit que c'était un peu l'endroit idéal. Et surtout, je suis toute seule, hein, je fais chier personne. Je suis pas une punk. du coup, alors clairement, au début, j'ai eu du mal avec cette question parce que j'ai toujours joué. Et notamment, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Du coup, imaginez pourquoi ça me plaisait à un an, j'avoue, c'était plutôt tendax. Mais au final, c'était tout aussi compliqué de comprendre pourquoi ça me plaît toujours aujourd'hui. Donc c'était pas une histoire d'âge. Un élément est devenu clair petit à petit, et je pense pour moi que c'est l'exploration. Évidemment, les jeux, et notamment les jeux vidéo, m'ont permis d'explorer des mondes imaginaires, mais ils m'ont aussi permis de m'explorer moi-même. En me projetant dans un monde, je découvre un univers, mais modelé par une ou plusieurs personnes, qui me donne accès à des fragments de leur personnalité et de leur philosophie. Et en m'y offrant une place et des choix à faire, je me retrouve dans des situations, face à des questions, que je ne rencontrerai probablement jamais dans ma vie. Enfin, en tout cas, pas sous cette forme-là. Le jeu permet de m'échapper d'une situation présente et de me retrouver ailleurs et autrement, contrainte par les idées et les règles d'autres personnes. Mais pendant ce temps-là, je me construis, voire je me déconstruis et je me reconstruis. Et je le constate très clairement quand je joue lors de périodes de deuil ou tout simplement des moments difficiles. Je joue au point d'oublier le moment présent et la souffrance, c'est clair. Mais je joue aussi pour me retrouver, dans un autre monde, face à d'autres questions, voire face à d'autres personnes. Je pense que je jouais enfant dans une volonté d'apprentissage et de découverte du monde réel. Aujourd'hui, c'est pour en apprendre sur moi. En fait, le jeu, c'est un peu mon Mufasa, n'oublie pas qui tu es. Ou plutôt, le jeu, c'est la béquille de mon identité abîmée. Elle boite un peu, mais avec le jeu, elle marche mieux. Bonjour, ici Thomas, dit la cariatre. La question « Pourquoi tu joues ?», j'ai envie de la reformuler en « Pourquoi tu as autant besoin de jouer ?». Et le premier élément de réponse est un peu éloigné du sujet même du jeu. En tant qu'humain, je suis confronté à une contradiction universelle, qui est d'une part d'être persuadé que je suis dérisoire, que j'ai une existence très très courte, sur un caillou minuscule qui flotte à une vitesse folle dans un espace infini, sans avoir la moindre idée de pourquoi je suis là. D'autre part, au quotidien, je me lève tous les matins, j'essaie de croire à ce que je fais, j'essaie de vivre avec sérieux, avec enthousiasme, avec valeur. C'est pour ma part comme ça que je formule la contradiction humaine, la capacité à continuer à agir, alors qu'en réalité, rien n'a de sens. En tout cas, on ne l'a pas trouvé. L'humanité, au fil du temps, a essayé d'inventer plein de méthodes pour dépasser cette contradiction. On peut parfois nier qu'elle existe et se concentrer sur le quotidien, s'oublier, en quelque sorte, dans le quotidien. On peut s'inventer un but, une destinée, qui nous donne enfin une raison d'exister. On peut croire à un miracle, plus vaste que ce que peut comprendre l'esprit humain. On peut s'asseoir et pleurer. On peut rire de tout ça pour ne pas se laisser abattre. Mais personnellement, la tactique que je préfère, c'est le jeu. En effet, quand on joue, on est exactement en train de mettre en scène à une toute petite échelle cette contradiction. Quand je joue, j'agis avec sérieux. Je crois, au moins temporairement et au moins partiellement, à ce que je suis en train de faire, à l'univers dans lequel je me suis plongé, à l'histoire que je suis en train d'inventer. Et en même temps, je me regarde jouer en ayant bien conscience de la futilité de ce que je suis en train de faire. Quelque part, c'est comme si jouer, c'était donc apprendre à assumer sa contradiction interne entre la nécessité d'action et la conscience de l'absence de but. Si on pratique suffisamment le jeu, je pense même qu'on peut finir par voir la majorité des événements d'une vie comme ayant un aspect ludique, et garder en permanence une partie de soi qui agit avec tout le sérieux du monde, et une partie de soi qui se regarde et qui dédramatise. Alors en dehors de tout le plaisir que je trouve dans le jeu lui-même, je crois vraiment qu'une attitude ludique, une perception ludique du monde, est salvatrice. Et à la question « Pourquoi tu joues ?», reformulée en « Pourquoi tu as autant besoin de jouer ?» Eh bien, pour vivre, tout simplement. Je vais vous lire un témoignage de Gaël, qu'on a reçu par Twitter. Bonjour, je m'appelle Gaël et j'ai 31 ans. Je joue aux jeux de société modernes environ 2 fois par semaine. Je joue essentiellement pour partager un moment avec les gens qui m'entourent, passer un bon moment en société. C'est vraiment l'aspect qui est le plus important pour moi. La deuxième raison qui fait que je joue, c'est pour découvrir de nouveaux jeux, tester des nouveautés, faire de nouvelles expériences ludiques. Ce qui est plutôt utile quand on est bénévole dans un café ludique. Et enfin, mais c'est une raison moins fréquente, je joue pour faire des retours sur des jeux en cours d'élaboration, pour aider les auteurs et autrices de jeux. Le témoignage de TMDJC. Pourquoi je joue ? Voilà une question super compliquée. Super compliquée parce que pour de vrai, il y a 1000 raisons pour jouer. La première, pour moi, évidente qui me vient à l'esprit, c'est pour me détendre. Ça, c'est le premier truc que j'apprécie quand je joue. Alors là, je pense qu'on parle clairement jeux vidéo, mais en fait, il y a 1000 façons de jouer différentes pour moi. Le jeu vidéo a un petit côté doudou nettement présent. Si je devais parler des types de jeux que je lance le plus souvent, clairement ce sont des jeux de combat. Alors on peut ne pas trouver le lien direct entre le doudou et le jeu de combat, mais c'est le fait de connaître les mécaniques par cœur, le fait de faire les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Il y a quelque chose de rassurant, je trouve, dans cet automatisme que tu vas avoir avec des jeux que tu connais par cœur. Je retrouve ce même type de plaisir avec les jeux de plateforme, la série des Mega Man par exemple, que j'ai beaucoup fait. C'est le type d'environnement où tu vas te retrouver à faire les mêmes gestes au même moment. Un petit côté autiste hein, qui me caractérise un petit peu et je m'y sens chez moi. Ça a vraiment ce côté rassurant. Ensuite, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est le plaisir de partager. J'adore jouer avec l'autre. Le jeu de combat, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'endroit où j'aime le plus rencontrer de joueurs parce que il y a des jeux, enfin je pense qu'il y a autant de joueurs enfin il y a autant de types de jeux, je vais y arriver hein, que de joueurs, c'est à dire que quand deux personnes jouent exactement le même personnage dans la même version du jeu, tu vas voir que les deux ne vont pas jouer de la même façon parce que chacun s'est approprié le personnage, et ça c'est quelque chose que je trouve assez magique, comme quand je vais rencontrer quelqu'un qui joue à Tetris. Il y a des façons très efficientes de jouer à Tetris, mais on va se rendre compte finalement que d'un jour à l'autre, on ne va pas poser les pièces au même moment, aux mêmes endroits et construire les mêmes choses. Et voilà, et c'est le type de compétition qui ne m'agace pas, parce que je ne suis pas très compétitif comme garçon. Je suis pas dans la comparaison. Je ne vais pas forcément regarder celui qui est la plus grosse. Pour prendre un parallèle type typiquement phallique, mais c'est le moment où la compétition me dérange pas, parce que très souvent j'ai joué avec des gens qui avaient la compétition souriante, c'est-à-dire que le but du jeu c'est pas de savoir qui est le plus fort, c'est la beauté du combat. Je citerai Ryu volontairement, qui disait que la victoire n'est rien et que le combat est tout. C'est un petit peu ce que je ressens. Je préfère 1000 fois un combat que j'ai perdu où j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même et m'être dépassé, un combat où j'ai gagné sans effort, sans originalité, en faisant n'importe quoi. Alors évidemment, si je me suis dépassé et que j'ai gagné, là c'est la cerise sur le gâteau, hein, c'est le petit moment où tu te dis yes, c'est le côté génial. Ensuite, ce qui me vient à l'esprit, le pourquoi je joue, c'est me cultiver. Il y a plein de types de jeux qui me font découvrir, alors, ou des mécaniques de gameplay, simplement de jeux en soi, ou parce que le jeu va faire référence à un environnement que je ne connais pas, ou à une culture que je ne connais pas, ou mettre en lumière Un pays que je ne connais pas, alors surtout si c'est un jeu typiquement japonais et que bah, je ne connais pas bien le japonais, ou typiquement américain et que je ne connais pas bien les États-Unis, ou etc. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir creuser et de me dire « Ah ouais, alors en fait, c'est comme ça !» Et puis me rendre compte que finalement, ce qui est dans le jeu, ce n'est peut-être pas la vérité non plus. Moi, il y a plein de jeux qui m'ont donné envie d'en savoir un petit peu plus sur telle ou telle culture, parce que tu t'en rends compte, parce que des fois, il y a des jeux qui se passent chez toi, voire même des fois à Marseille, enfin, tu vois, il se passe des trucs des fois, et là tu dis ouais, en fait c'est un petit peu n'importe quoi. Ensuite, je dirais pour l'histoire, j'aime beaucoup les jeux à histoire, j'aime bien les jeux qui me racontent quelque chose. J'ai pas besoin que le gameplay dans ce cas-là soit compliqué, voire ça va même m'arranger qu'il le soit pas. J'aime bien l'histoire interactive. J'ai adoré des jeux comme Life is Strange qui ont un gameplay qui est quand même très très simple d'accès. Toute la difficulté, elle est dans tes choix en fait. Finalement, hein, j'ai beaucoup aimé les premiers The Walking Dead par exemple. C'est des jeux qui t'emmènent quelque part, et même si au bout d'un moment tu vois le côté mécanique de la magie, dans le sens où on te dit que certains choix vont avoir une incidence, oui, c'est vrai, mais pour de vrai, tu vas te retrouver avec à chaque fois des rails qui vont te ramener aux mêmes endroits. Mais c'est pas très grave pour de vrai, c'est pas ça que je demande. Moi, ce que je demande, c'est que à la fin, l'histoire m'ait fait réfléchir, qu'elle m'ait amené de l'émotion, hein, qu'elle soit joyeuse ou triste. Voilà, j'aime bien être bousculé un petit peu, j'aime bien être bousculé dans mes convictions aussi, j'aime bien réfléchir, et c'est typiquement ce type de jeu qui m'ont amené parfois à me dépasser en tant qu'être humain. Si je devais finir sur une note un petit peu bisounours bienveillante, j'aurais envie de dire qu'on vit tous sur la même planète, on vit tous dans le même monde, et que ce que j'ai aimé au départ avec le monde vidéoludique, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient, alors je suis pas tout neuf, hein, donc je commence à faire partie des anciens, j'ai rencontré des gens qui faisaient un petit peu partie des parias joués aux jeux vidéo il y a quelques années, c'était pas le truc le plus hype du monde, donc je me suis retrouvé à devoir gérer justement cette différence, et j'ai rencontré des gens qui, par le biais de cette différence, étaient super ouverts. C'est vrai que j'ai croisé dans le milieu du jeu vidéo des gens qui étaient peut-être plus ouverts que dans d'autres milieux. Alors aujourd'hui, c'est des choses qui ont tendance à disparaître, évidemment, parce que le jeu vidéo est un média qui brasse des milliards, et que tout le monde joue aujourd'hui, donc ça y est, les geeks ont gagné la guerre, très clairement. Ce que j'aimerais, c'est qu'on n'ait pas perdu complètement ça, que le jeu vidéo continue à être un média qui véhicule pas que de l'action guerrière, pas que de la brutalité, mais aussi de l'amour et de la bienveillance, et que notre communauté continue à prendre l'ouverture plutôt que la fermeture. Je suis peut-être parti un petit peu loin sur le pourquoi je joue, mais en tout cas voilà, ça fait partie des choses de pourquoi je joue. Merci pour la question. Et puis j'en profite, bisous à tout le monde et joyeux Noël et bonne année, parce que je crois que c'est le moment là. Des bisous les gens. Un témoignage d'Anne-Sophie reçu sur Facebook. Je joue pour me détendre, pour passer un bon moment en famille, entre amis. Je joue très souvent. Je joue pour découvrir des jeux. Je joue avec tous et à tous les jeux. Je me sers du jeu pour faire apprendre à mes élèves. Bref. Le jeu, c'est ma vie. Salut, moi c'est Guillaume. Pourquoi je joue ? Je pense que c'est vraiment principalement pour incarner un personnage, être immergé dans une histoire qui m'embarque dans des contrées fantastiques, imaginaires. Je suis joueur de jeux de rôle, de jeux de plateau et de jeux vidéo principalement, et c'est vrai qu'à chaque fois, ce que j'attends de ces expériences-là, c'est vraiment de pouvoir incarner un personnage qui est différent de ce que je peux être dans la vie. C'est vraiment cette petite fenêtre que j'aime avoir dans mon quotidien, qui est rythmé par les aléas de la vie, le boulot. Et donc quand je joue, je change de peau, Et je vis quelque chose qui est vraiment différent. Alors j'aime beaucoup le jeu de rôle et le jeu de plateau pour leur capacité qu'ils ont de nous embarquer dans un univers, mais en même temps de beaucoup, du coup, faire appel à notre imagination. Tout ce truc un peu hors champ qui se passe dans notre tête et qui, pour moi, est extrêmement plaisant et qui fait vraiment partie du côté ludique que moi j'ai, en tout cas, de ces expériences-là. Je pense notamment au jeu de rôle où, clairement, construire un personnage, lui apporter un background, imaginer quelles sont ses réactions et faire en sorte que ce soit des réactions qui soient différentes des miennes, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Le jeu de plateau, c'est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment ce côté aussi commun, collectif autour d'une table, un petit peu comme le jeu de rôle finalement, mais où là, on est plus à jouer avec des règles. Il y a cet aspect stratégique qui peut venir se rapprocher de ça, mais vraiment sur toujours ce côté très humain finalement, très sensible, émotionnel que je peux avoir sur la quête d'un personnage, pourquoi il fait ça, c'est quoi son objectif. J'ai toujours tendance à me créer des petites histoires comme ça, même autour de jeux de plateau. Et puis c'est vrai que le jeu vidéo, lui, il a vraiment cette capacité à nous immerger dans des narrations qui sont interactives et qui développent du coup toute une palette graphique, on va dire, très différente de notre univers réel. Il y a vraiment ce truc de cette surcouche un petit peu fantastique que j'aimerais, en fait, je crois, beaucoup avoir quand je me balade dans la rue et que je laisse un petit peu vagabonder mon esprit et qui finalement n'existe pas puisque c'est la réalité et puis que tout ça, c'est très terre à terre quelque part. Et vraiment, le fait de jouer, moi, m'apporte cette espèce de fantaisie que je recherche dans ma vie. Donc voilà, je joue pour finalement être quelqu'un d'autre et avoir une vie et même plusieurs vies que je n'aurais pas et puis traverser des histoires, des quêtes, des défis que j'aime du coup relever d'une manière qui est un petit peu différente de la mienne pour éventuellement même peut-être sortir de ma zone de confort, réaliser des actions physiquement impossibles, avoir vraiment tout ce rapport-là à quelque chose qui serait inaccessible dans le quotidien. Voilà pour moi et pourquoi je joue aujourd'hui. Merci. Un petit mot de Naoré à présent. Avant tout, je tiens à m'excuser pour ma voix, la qualité sonore, tout ça. Je suis malade. Donc en premier lieu, je vais parler de mon rapport aux jeux de société. Donc les jeux de société, j'y joue avec ma famille. Majoritairement, il y a très très peu d'occasions où je joue avec d'autres gens. Et on n'est pas du tout compétitif, on s'en fiche complètement de qui gagne. Les jeux de société, c'est juste un moyen de passer un bon moment tous ensemble. Et le but, c'est vraiment de s'amuser, ça sera supérieur à tout le reste. On va jamais se mettre des malus ou se faire des coups bas dans les jeux. Je comprends très bien ceux qui jouent différemment, je vous juge pas du tout. C'est juste comme ça que nous on est et que nous on fait. Et ça se retrouve un peu dans mon rapport aux jeux vidéo, parce qu'encore une fois, mes deux parents jouent aux jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, à la base, c'est un truc familial pour moi. Ça me fait rire parce que depuis que je suis petite, on me demande qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents qui jouent aux jeux vidéo. Et je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas ce que ça fait d'avoir des parents qui jouent pas aux jeux vidéo. Donc j'ai rien pour comparer. Enfin bref. À la base, mes parents sont plutôt des joueurs consoles, des joueurs consoles de salon. Parce qu'ils s'installent sur le canapé et le fauteuil. Et ils démarrent la console sur la télé. Et en fait, on est tous autour. Et on peut papoter pendant qu'ils jouent. Donc mes parents jouent pas des jeux spécialement violents, quoi que ce soit, pour que nos jeunes yeux à l'époque puissent supporter. Et puis maintenant, de toute façon, ils peuvent jouer un peu ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours pas très très jeux violents. Et par exemple, un exemple à la noix que j'ai, là je vis plus avec eux, mais à l'époque où je vivais encore chez eux, quasiment toutes les vacances des Noëls, ma mère se refaisait Final Fantasy X. Donc elle est dans le salon, elle joue à Final Fantasy X, et nous on est autour, on papote avec elle, et elle l'a déjà fait 1000 fois, donc elle le connaît. Et le but c'est pas de s'isoler dans le jeu et de profiter de l'histoire, du scénario, etc. Parfois, il arrive que mes parents vont demander 2 secondes pour se concentrer parce qu'ils aimeraient bien suivre. Mais le but, c'est pas de s'isoler et d'en profiter tout seul. Le but, c'est vraiment de partager. Maintenant, moi, je suis majoritairement une joueuse PC parce que je vis dans mon appartement et que j'ai pas la place d'avoir 40 000 consoles. Mais aussi parce que c'est plus adapté à mon style de jeu. Je suis pas du tout une joueuse multi. Je suis complètement une joueuse solo, voire coop locale. Ou coop en ligne avec quelques amis que je connais très bien. Je joue vraiment jamais multijoueur au point que je joue solo MMO. À l'époque où je jouais à World of Warcraft, je jouais toute seule. Je jouais druide DPS, donc ça se faisait très très bien. Parce que pour moi, l'intérêt des jeux, d'un jeu, c'est pas la communauté, l'intérêt d'un jeu, c'est le jeu en lui-même. Et aussi, un truc un peu moins marrant, c'est que quand j'avais 12-13 piges, que je jouais donc aux jeux vidéo, il m'est arrivé de mettre le micro sur certains jeux, et j'ai très très vite compris que dans pas mal de zones, j'étais pas la bienvenue, c'était assez toxique. Et ça a un peu traumatisé mini-moi de 12-13 ans de se prendre des insultes, des menaces et des choses très très violentes. Donc c'était pas très très fun. Et ça m'a assez coupé, mais j'en regrette pas spécialement parce que je ressens pas du tout un manque par rapport au multi, c'est vraiment juste pas ce qui m'intéresse dans les jeux. Et il m'arrive quand même de faire de la coop locale qui est quand même très très fun, avec des gens que je connais bien et voilà. Mais ça m'empêche pas d'utiliser les jeux vidéo comme prisme en fait pour le partage. Parce que je suis dans pas mal de communautés Discord, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme Skype. Et par rapport aux jeux vidéo, et principalement autour du modding. Donc les mods, c'est du contenu créé gratuitement par des fans et partagé gratuitement. Par exemple, un exemple de mod, dans un jeu, ça va être quelqu'un qui va créer une nouvelle arme. Et qui va la partager. Ça peut être une arme qu'il a inventée, ça peut être une arme dont il s'est inspiré par rapport à un autre jeu ou un film. Et il va la proposer gratuitement et on va pouvoir la télécharger gratuitement. Les mods, c'est majoritairement présent sur PC. Et il se trouve que, en fait, moi, pendant assez longtemps, pendant 11 ans, j'ai fait du théâtre. Et j'ai dû m'arrêter de manière assez abrupte pour des raisons de santé et autres. Ce qui m'a rendu assez triste, parce que quand on a quelque chose qui est une part de sa vie pendant si longtemps et que presque du jour au lendemain, on l'a plus, ça fait un vide. Et comme je jouais beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo, surtout à Skyrim, à l'époque, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter le doublage, parce que donc les mods peuvent aussi rajouter des personnages. Et donc, c'est bien qu'ils aient des voix. Donc les gens parfois cherchent des gens pour enregistrer des phrases spécifiques que ces personnages-là diront. Et là, ça va faire 4 ans à peu près que je fais du doublage. Et je m'amuse beaucoup et c'est un de mes nouveaux hobbies, en plus du jeu vidéo. Ça m'a permis de rencontrer des gens assez géniaux. Faut pas se baser sur la qualité de ma voix et de mon enregistrement actuel pour le doublage, parce que c'est pas ça d'habitude. Parce que d'habitude, j'enregistre pas quand je suis malade. Mais en fait, les jeux vidéo, c'est assez marrant, moi, mon rapport que j'y ai, puisque, comme j'ai expliqué, je suis une joueuse solo, et pourtant, j'utilise énormément les jeux vidéo pour le partage. Salut Ludologie, bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi. Voici ma petite contribution à la question de Noël. Pourquoi tu joues ? En fait, comme beaucoup, je jouais enfant par simple plaisir et sans m'en rendre compte en fait pour apprendre. Puis je me suis mis à jouer pour sociabiliser, faire partie d'un groupe, avoir des amis. Puis j'ai joué pour gagner. Puis après avoir beaucoup perdu, parce qu'en fait de manière générale je suis très mauvais dans tous les jeux de compétition, j'ai à nouveau joué pour le fun que cela procurait. J'ai également joué pour flirter, comme tout le monde. J'ai joué pour m'évader, devenir une autre personne. Et toujours, toujours, toujours pour le fun. Aujourd'hui, en fait, j'ai découvert via des podcasts d'analyse, comme Ludologie, évidemment, mais on peut citer également la Cellule, ou les Voix d'Altaride, qu'il pouvait exister, en fait, une manière de jouer dans le but de ressentir des émotions. J'ai découvert des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de rôle principalement, qui m'ont permis de faire de la contemplation, qui m'ont permis de philosopher, de réfléchir à de nouvelles valeurs. Je pense notamment à l'antispécisme, au féminisme. Je viens de comprendre, en fait, via toutes ces analyses, qu'en fait, un jeu peut me bouleverser dans ma façon de penser, mais également dans mes émotions. Et en fait, je me demande maintenant à quel point notre manière et nos raisons de jouer évoluent au fur et à mesure que notre vie avance, et à quel point notre vie influence notre jeu, et inversement, à quel point notre jeu influence notre vie. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, je joue principalement pour deux raisons. Le fun ou le bouleversement, en alternant parfois, suivant mes envies du moment. Et de temps en temps, je joue un petit peu pour la sociabilisation, Ben en fait, tout simplement lorsque je joue avec mes enfants. Mais je dois bien avouer que je suis tellement moi-même un enfant que je joue pour le fun avec elle. En fait, il me semble que la dimension triviale, entre guillemets, hein, de jouer pour le bonheur que cela procure, est chez moi la seule dimension présente depuis le début. Et je pense qu'elle sera probablement présente lors de mes dernières parties, lorsqu'il sera venu pour moi l'heure de tirer le rideau. Donc voilà, ma réponse à pourquoi tu joues, en fait, c'est je joue parce que c'est fun. Et c'est bête à dire, mais c'est la vérité. Voilà, j'espère que cette petite contribution vous aura plu. À bientôt! Et voici un témoignage de Adrien qui nous a laissé sur Facebook. Je joue pour me pousser dans mes limites, vivre des expériences impossibles, partager des moments forts, sinon, comme d'autres médias, une sorte de catharsis également. À présent, on écoute Raven. Alors pour le podcast Ludologie, pourquoi vous jouez ? Alors moi, il y a deux raisons au fait que je joue. La première, c'est parce que c'est du fun. Et la deuxième, c'est parce que c'est une manière différente de vivre une histoire. Alors c'est du fun, c'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu joues, si c'est un jeu solo, il faut que le jeu t'amuse toi. C'est-à-dire qu'il faut que les mécaniques, qu'il faut que l'histoire, qu'il faut que les personnages, il faut que tout ce qui fait le jeu, que ça soit un jeu vidéo ou un jeu de rôle, t'entraîne dedans. Donc il faut que ça t'amuse, il faut que ça te suscite certaines émotions qui font que tu vas quand même t'accrocher. Ça peut être n'importe laquelle d'émotions. Que ce soit par rapport à l'histoire, que ce soit par rapport au gameplay, que ce soit par rapport à des situations précises dans le jeu qui peuvent être complètement absurdes. Si ça t'amuse pas, à un moment tu vas dire non, c'est bon, je lâche, je mets de côté. Parce que t'as pas envie de continuer, t'as pas envie de persévérer dans quelque chose si la chose t'amuse pas. C'est valable pour tous les jeux, c'est valable pour un MMO, c'est valable pour un RPG en solo, c'est valable pour Magic par exemple. Pour Magic the Gathering, auquel je joue régulièrement, c'est extrêmement valable. Je connais beaucoup de gens qui jouent des decks qui sont orientés sur le fait d'empêcher ton adversaire de jouer. Et quand je regarde des matchs avec ce genre de deck, tu sens que l'adversaire ne s'amuse pas. Ça se sent dans l'ambiance. Et ça, moi, je peux pas. Si je dois jouer en groupe, soit tout le monde s'amuse, soit on règle le problème. Et le deuxième, c'est une manière différente de raconter une histoire parce que quand tu lis un livre, t'as ton bouquin, tu lis, t'as les descriptions, t'as les dialogues, mais tu dois t'imaginer quand même les personnages, l'univers, les décors, etc. Tu dois tout imaginer, donc l'interprétation, ça varie de personne en personne. Un personnage qui est décrit de la même façon dans un bouquin peut avoir deux apparences finales dans la tête de quelqu'un complètement différentes. Alors, dans un jeu roleplay papier, c'est beaucoup plus proche du livre, parce que là, à ce moment-là, je sais que même si certains GM utilisent des images, utilisent des musiques, c'est beaucoup plus proche du livre au niveau des descriptions. Ceci dit, dans un jeu vidéo, là, tu as directement accès à un visuel du personnage. Je vais prendre un exemple tout bête. Tu vas parler à un PNJ, tu verras ton PNJ. Il sera là, il aura un design propre, il aura sa apparence. Tu pourras directement voir à quoi il ressemble. Dans un livre ou dans un jeu de rôle papier, du moins dans certains cas, tu dois imaginer l'apparence que ton PNJ aura. Après, dans un JDR papier, c'est un peu plus différent parce qu'il y a beaucoup d'images externes qui sont utilisées. Je sais qu'un des GM avec qui je faisais du jeu de rôle le faisait. Je sais que d'autres ne le font pas et laissent libre cours à l'imagination de leurs joueurs. Mais surtout, dans un jeu vidéo, tu vis réellement l'histoire puisque tu incarnes un personnage dans l'univers. Dans un livre, tu es externe, on va dire. Tu es externe à cet univers, dans un jeu vidéo, tu es dedans. C'est une manière différente de raconter une histoire que, personnellement, j'ai tendance à un peu préférer, même s'il y a un bon vieux bouquin, ça reste quelque chose. Voilà, donc c'est la fin de cet petit enregistrement pour le podcast Ludologie. Bye bye. Et maintenant, voici un extrait de la participation de Philippe, dont vous retrouverez l'intégralité dans son podcast Commentaires d'après-jeu. Cette question me rappelle la question « Pourquoi je kiffe la science ?» qui avait été posée il y a quelques années sur le Café des Sciences. Ce sont toutes deux des questions anodines où on pourrait croire qu'il n'y a que deux ou trois réponses possibles, mais en fait, il y a autant de réponses différentes que de personnes qui vont prendre le temps de répondre à cette question. Voici donc ma réponse. Alors commençons par les présentations. Je m'appelle Philippe, j'ai 36 ans, et le jeu occupe une grande place dans ma vie. Je ne peux pas passer une semaine sans jouer, mais pourquoi ? C'est bête à dire, mais je préfère passer une soirée à jouer plutôt qu'à discuter avec d'autres personnes. Lors de discussions, il y a toujours un moment où je m'ennuie. J'écoute quelqu'un qui m'intéresse pas plus que ça, ou alors c'est moi qui ai l'impression d'ennuyer les autres. Pendant le jeu, je réfléchis à ma stratégie, à celle de mes adversaires, je me mets dans la peau de mon personnage, je prends des risques que je ne prendrais pas dans la vraie vie. Je la joue à l'américaine, à savoir je vise la première place sinon rien. C'est pas intéressant d'être deuxième ou troisième. Je dois être le meilleur. Des fois, je suis frustré, car mes adversaires m'empêchent de faire ce que je voulais. Je ne peux pas déployer ma stratégie. Je peux aussi trouver un jeu nul. Alors dans ces cas-là, je réfléchis à une mécanique intéressante que l'on pourrait exploiter différemment dans un autre jeu. Rentrons maintenant plus en détail sur tout ce que j'aime quand je joue. Il y a le fait que l'on peut faire des choix que l'on ne ferait pas IRL. Dis-moi comment tu joues, je te dirai qui tu es. Pour moi, cette phrase est complètement fausse. Je joue justement pour pouvoir faire des choses insensées. Ce n'est pas parce que je fais du laser game que j'ai envie de prendre une arme et participer à un battle royale. Le truc, c'est ça. Une partie de jeu, c'est court. On peut se faire un kiff, comme on dit en ce moment, ou essayer un truc. Bon, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. La prochaine partie, j'essaierai une autre stratégie. Ça fait vraiment partie des choses que j'adore. Prendre à cœur un jeu, se mettre à fond dedans, puis quelques heures plus tard, après avoir tout tenté pour gagner, se faire rétamer par un adversaire plus fort que soi. C'est super, j'ai passé un bon moment, j'ai perdu, mais ça n'aura aucune incidence sur ma vie. Enfin si, je vais faire la gueule pendant 15 minutes, mais justement c'est ça qui est bon, et mon adversaire il va savourer d'autant plus sa victoire. Le bon côté des jeux de société, c'est comme son nom l'indique, le côté social. On se retrouve entre amis, ou du moins entre joueurs, c'est un peu comme toutes les passions. On se retrouve autour d'un thème et on en discute. Ben là, c'est un petit peu plus, car on partage une expérience en commun. On ne fait pas que discuter d'une passion. On la vit tous en même temps. Un peu comme deux chanteurs qui font un duo, ou deux équipes qui s'affrontent. Vivre une expérience différente de la réalité, je crois que c'est ça que j'aime en fait. J'ai toujours aimé la science-fiction, voire même tout simplement les fictions, romans, films, séries. Non que je trouve la réalité terne, mais partir d'une bonne idée originale, ou d'un bon pitch comme on dit en ce moment, je crois que c'est ça que je recherche quand je joue. Je vous l'ai déjà dit aussi, je n'aime pas spécialement les grandes soirées de discussion, par contre une bonne émission de débat, avec un animateur qui recadre les intervenants quand il y en a besoin, ça j'aime bien. Pour moi c'est ce petit truc en plus, que je retrouve dans le jeu et que je trouve mieux que la vie. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je ne joue pas, par exemple en attendant que d'autres personnes arrivent ou après la partie, je suis heureux de prendre connaissance de l'état de mamie et du poisson rouge. Mais c'est vrai que je préfère qu'on me raconte quand même la mise en situation de la dernière escape room à laquelle on a participé. Le dernier point que je voulais aborder, c'est que je suis un joueur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aime mettre au point une stratégie, prendre des risques, réfléchir sur des énigmes. Je peux passer un après-midi à jouer au tarot et avoir l'impression d'avoir profité à fond de ma journée. Encore une fois, lance-moi un défi, comme le premier de nous deux qui arrive en haut des escaliers à gagner. Il y a des chances que je participe. Tu veux être sûr que je joue ? Mets-moi un enjeu. Celui qui perd fait la vaisselle. Alors pour finir cette introspection, je me rends compte que j'ai toujours aimé jouer et que j'aimerais toujours jouer. Je suis fait ainsi, c'est ma nature. Ce que j'aime le plus dans le jeu, c'est qu'il me permet non pas d'embellir, mais de modifier le réel l'espace de quelques minutes, heures ou plus suivant le temps du jeu. Ce sont finalement ces allers-retours du monde réel à ma bulle, qu'est le jeu, qui font de moi ce que je suis. Nous avons aussi un extrait à lire de Malo qui nous a envoyé ce message par Facebook. Oula, mais je joue pour plein de raisons! Pour rencontrer des gens, virtuellement ou pas. Pour créer de la discussion, me donner une excuse pour rester près d'un second joueur. pour m'occuper aussi. Pour réussir des trucs qui avaient l'air durs et impossibles et en fait pas tant. Pour l'histoire. Pour mieux saisir et connaître une personne qui a fait le dit jeu. Pour faire semblant de faire. Pour rendre une situation de non-jeu plus amusante. Pour rester enfant. Parce que tout le monde en parle et que je veux faire partie des discussions et faire partie des réflexions autour du dit jeu. Pour m'amuser des fois. Pour tester les jeux que je fais. Et pour finir, des mots en rime de Thomas B. Je joue parce que j'envie les gosses qui y passent autant de temps. Je joue parce que j'avoue, travailler c'est vraiment trop crevant. Mais je joue parce qu'actif, pas juste mateur, pas juste nourri, pas juste acheteur. Je joue parce que je crée, sans dieu ni maître, sans public ni critique, sans autre enjeu que s'enjailler. Je joue parce qu'endorphine, dopamine, sérotonine et oxytocine. Et parce qu'apprentissage, rire et poésie m'excitent aussi. Je joue parce que je jouis, et que si on joue bien tous les deux, eh ben tu jouis aussi. Je joue compétitif, parce que c'est rigolo 5 secondes. Je joue collectif, parce que ça manque en ce bas monde. Je joue pour tester mes limites, dans un cadre chaleureux et démocratique. Il n'y a pas de chaise musicale dans mon cercle magique. Je joue parce que j'ai envie de voir où vont les gens quand ils décident des règles, quand ils maîtrisent les codes, de mieux piger le peuple quand une fois on lui donne les ressources et le temps. Je joue parce que ça crée des situations, des rencontres, des scissions. Je joue pour l'expérience. Pas pour les points, mais pour les ponts. C'était très émouvant de découvrir chacun de vos témoignages. On espère vraiment que vous, auditeurs et auditrices, vous avez eu autant de plaisir que nous en les découvrant. Chacun de vos messages est unique. Vous avez chacun et chacune des raisons différentes de jouer. Et c'était d'autant plus génial de vous écouter. Merci pour ce partage, généralement enjoué, souvent doux et même parfois un peu triste. À chaque fois, vous avez été sincère et pourtant, c'est pas évident de se lancer, de partager des choses intimes, personnelles. Vous avez été 18 à jouer le jeu. C'est plus que ce qu'on espérait. Alors merci à Felondra, Margot, Nicolas, Aline FQPEH, Thibaut, Naoré, Thomas Dilacariatre, Gaël, TMDJC, Anne-Sophie, Guillaume, Queen Apple, Rémi, Adrien, Raven, Philippe, Malo, Thomas B. Merci énormément en tout cas d'avoir participé à cet épisode, que ce soit en contribuant par un texte, mais aussi en partageant nos posts sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à la visibilité de ces posts que tout le monde a pu participer et qu'on a pu avoir ce très très bel épisode, qu'on peut dire un épisode dont vous êtes le héros ou l'héroïne, hein, je pense que c'est de circonstance. Merci énormément aussi de partager ce même podcast. Et c'est grâce à vous, c'est grâce aux étoiles sur iTunes, c'est grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos partages sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc. Merci énormément de faire vivre ce podcast et de contribuer à sa richesse grâce à cet épisode où on voit toutes les belles diversités de raisons de jeu. Merci beaucoup. Oui, merci à tous et à toutes. Et d'ici le prochain épisode, dans 15 jours, n'oubliez pas de jouer.